Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de QI Basket, un podcast qu'on fera que deux aujourd'hui. Je suis avec Cam, bonsoir Cam. Salut, salut. Voilà, donc c'est Stuff hein, de l'autre côté, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Normalement, un podcast qui était prévu de plus longue date que ça, hein, c'est-à-dire qu'on enregistre là, il est 23h57, on est le 30 juin 2019. Et comme tout le monde, eh bien, on a un œil sur Twitter, un œil sur, les volumes du podcast hein, ici. Puisque c'est le grand soir de la Free Agency, hein, c'est un peu l'ouverture des annonces et des contrats qui seront effectivement signés à partir du 6 juillet, on le rappelle. Hein. Mais donc du coup, on avait prévu de faire un truc un peu en mode Nostradamus, on va vous donner une liste de joueurs et on va vous dire voilà, on les voit bien signer là pour autant. Mais entre-temps, évidemment, il y a déjà des petits malins qui ont déjà été signés des contrats un peu à gauche, à droite. Donc on va en partie réagir sur ce qui a déjà été fait. Et voir un petit peu les derniers gros poissons vers où on les verrait bien filer. Tout ça avec Cam. On va attaquer directement parce qu'il y a du pain sur la planche. Brooklyn ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, Brooklyn ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le bordel ? C'est chaud là quand même. Kyrie Irving, 4 millions. 4 ans, 141 millions. Et bah, apparemment Kevin Durant, hein, 164 millions sur 4 ans. Si je me souviens bien des chiffres. C'est ça. Bah, Kyrie qui est un local, hein, il vient de là-bas. Donc pour lui, il y a une certaine forme de logique. Par contre, j'avoue, pour Kevin Durant, je comprends pas tellement, à part qu'il soit ultra, ultra pote avec Kyrie Irving. Tu l'imaginais où, toi, de base ? Alors moi, j'aurais plus... pour moi, c'était Brooklyn ou New York. Je le voyais pas rester à Golden State, malgré toute la com qui a été faite. Et je crois qu'on en avait parlé sur le dernier podcast qu'on a fait. En fait, le truc, l'avantage principal des Knicks, en fait, c'est New York elle-même, quoi, c'est la ville. C'est l'attraction qu'il y a, le cadre de vie qui est quand même assez inimitable pour une ville. Ouais. Sauf que même si t'es très mauvais en géographie, tu sais que Brooklyn, c'est pas très loin. C'est un quartier, c'est un quartier du coin. Et sportivement, Brooklyn, c'est quand même beaucoup plus stable et sympa, on va dire, en ce moment, que le marasme des Knicks. Ouais. Et simplement, les Nets, ils ont fait une bonne campagne de com. Quand tu fais les playoffs, t'as un cap monstrueux, t'as des jeunes qui demandent qu'à être développés. Ouais. Donc ça m'étonne pas. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs staff médicaux sont à New York. C'est ceux qui ont soigné Kawhi, ceux qui, là, du coup, sont en train de soigner Durant, etc. C'est ceux qui ont récupéré, comment il s'appelle, Rudy Gay, quand il s'était fait tomber à Shield. Enfin bref, il y a de l'expertise. Donc mine de rien, quand t'es un grand joueur comme ça, tu sais que t'as un an, tu vas être bichonné, et quand tu vas revenir, t'as une équipe qui va être bétonnée. Franchement, tu fonces. Hein. 4 ans, ça me paraît beaucoup, mais c'est cohérent. On aura peut-être les détails, on sera peut-être du 3 plus 1. On aura ça probablement par la suite. Donc là, on va avoir potentiellement donc Kyrie Irving, Caris, Levert, Joe Harris, Crouch, DeAndre Jordan, puisque apparemment il vient dans les bagages. Et un banc avec greffé, du banc avec Dinwiddie, avec Prince, Allen, enfin entre autres, je me souviens pas de tout le monde, mais. Ouais, il y a Garrett Temple aussi apparemment qui rejoint pour. Ouais, effectivement. Et ils vont sûrement pas avoir trop de mal non plus à trouver de quoi faire. Alors qu'on vient d'annoncer que JJ Redick parle à la Nouvelle-Orléans avec les Pelicans. Ouais, tiens, voilà qu'on en parle aussi dans leur équipe cette fille. 2 ans 26,5, on en parlera un petit peu quand on parlera des Lakers un peu plus tard. Mais ça... En fait, j'ai un peu de mal à comprendre la décision de Durant parce que quand il a rejoint les Warriors, le mec s'est quand même fait méchamment laver. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse un truc qui permette un petit peu de récupérer ça. Et là, je sais pas, Enfin, allez, on est d'accord, les Nets, c'est pas les Knicks, tu vois, c'est pas mythique comme franchise par rapport aux Knicks, hein, je parle. Tu vois, les Knicks, c'est quand même un délire. Si tu voulais faire ton truc un peu ultra classe, on va dire, tu partais plutôt vers un truc comme LeBron a fait. Tu vois, LeBron est parti aux Lakers, il change de conférence aussi, hein, Durant, faut pas oublier que maintenant il sera du côté de l'Est, hein, on va peut-être récupérer un système à l'ancienne pour l'All-Star Game. T'arrives dans une franchise où t'as pas d'accroche particulière à part un de tes potes qui t'a dit de venir, quoi. Tu vois ? Ouais, je vois. Moi, après, pour mon héritage personnel, à sa place, je serais plutôt parti à New York. Ok, t'as le marasme et tout, mais justement, t'es censé être un leader et venir planter ton drapeau et dire « Ok, Kawhi, vas-y, pointe tes boules, ou bien un autre gros joueur, vas-y, viens, on va redorer le blason des Knicks, tu vois ?» Là, tu vas aller redorer le blason des Nets. Un peu pauvre quoi. Après, tu me diras, en fait, je pense que ce qui a joué, c'est le fait que. Comment dire ça? Bah là, on en parlait, en fait, c'est la plus grosse faiblesse de Nick, c'est qu'en fait, il n'y a aucune stabilité, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau du management et surtout dans le sportif. Mmh. Donc, du coup, tu peux dire, ok, il peut signer 4-5 ans. Mais après, à côté de ça, est-ce que ton FO aurait été capable de te ramener du bon agent libre, tu vois, simplement de te promettre, pas forcément de jouer un titre, mais au moins d'être très compétitif dès le début. Mmh. Alors que là, tu arrives à Brooklyn, mmh. c'est propre, tu vois. Bon, après, avec Kyrie, ils se connaissent de Team USA, DeAndre, apparemment, ils sont très potes aussi. Ouais, donc, en fait, c'est ça. Après, les jeunes, ils sont quand même intéressants, mine de rien. Bon, même mmh. si là, Jarrett Allen, j'ai peur qu'ils jouent pas des masses, du coup, avec DeAndre Jordan de présent, mais... Je suis pas sûr, ça. Ça, je suis pas sûr. Ouais, ça va être à développer, c'est intéressant comme cas. Mais effectivement, bah, après, ça va être globalement... Lui, bon, il va pas apprendre à shooter des lancers francs, mais tu vois, sur pick and roll, il a beaucoup à apprendre. Il a beaucoup à apprendre, par exemple, de Jordan. Complètement. Après, alors... tu vois, je me dis surtout, comment dire ça? Là, Durant, du coup, là, il a une année où il va être off, mais par contre, c'est une année où son équipe va progresser sans lui. Oui, là où, en fait, si tu l'envoies à New York, bah, à part 2-3 cross éventuels de Alonzo Trier et un ou deux dubs de Robinson, il n'y aura pas grand-chose. Ah, mais justement, il avait l'occasion, tu vois, de se servir de son année de rééducation pour commencer à parler avec des gens et faire vraiment un boulot, tu vois, de fond et déjà venir avec un premier cadeau, on va dire, dans le sac, et puis quitte après à ramener quelqu'un d'autre. Vu que le marché vient d'ouvrir, on a une tonne de tweets qui viennent de tomber, donc je te fais vite le topo, hein, comme ça on en profite pour faire un petit récap dans le podcast. Donc Dwayne Dedmon, 3 ans, 41 millions, avec les Kings, ça c'était attendu. Kemba Walker, 4 ans, 141 millions à Boston, on va en parler. Kristaps Porzingis, 5 ans, 158 millions à Dallas, bien entendu. Vooch, 100 millions à Orlando, c'était attendu aussi. Middleton, 178 millions aux Bucks, donc c'est un petit peu moins que ce qu'il pouvait avoir. Je crois que c'était 190 qui était prévu, et là il a 178, donc il a fait une petite ristournette. C'est ça. Donc JJ Redick, ça je vous l'ai déjà dit. Dwight Powell, 33 millions sur 3 ans à Dallas. Harrison Barnes, 85 pour rester 4 ans à Sacramento. Derrick Rose, là, qui vient de tomber à l'instant chez les Pistons. Ouais, attends, je vais te faire le truc. 15 millions, voilà, c'est ça. 15 millions sur 2 ans pour Derrick. Oui. Voilà, donc là, c'est un peu le bordel, évidemment. Prolongation pour Damien Lillard, 196 millions sur 4 ans. Hein, ça, c'est... et c'est bien confirmé, donc pour Kevin Durant, au Brooklyn Nets, c'est fait. Rudy Gay qui prolonge à San Antonio pour 32 millions sur 2 ans. Ça, c'est plutôt la bonne pioche. Terry Rozier, 3 ans, 58 millions à Charlotte. Ça aussi, on va voilà. en parler. Il a fait une bonne série de playoffs. Voilà, voilà. Brook Lopez qui reste à Milwaukee pour 52 millions sur 4 ans. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Thaddeus Young qui part au Chicago Bulls pour 3 ans. 41 millions. Ouais. C'est vrai qu'en fait, comme on savait déjà un petit peu tout, du coup, ce qui va être un peu plus excitant, bah, c'est les seconds couteaux. Hein. Donc, c'est plutôt ça qui va être intéressant. Gerald Green, Houston Rockets, il a re-signé pour un an. On n'a pas le montant, mais voilà. Jonas Valanciunas, 3 ans, 45 millions à Memphis, c'est bien. Je suis très content qu'on le garde complètement. C'est le prix, hein, c'est 15 bouboules l'année. Il y a peut-être une dernière renée en option en plus, donc on n'a pas encore les détails évidemment sur tout ça. De ce qui se murmure, ça sera un 2 plus 1. Ce sera un 2 plus 1, oui, ce serait assez logique. Détroit, oui, qui fait donc une bonne affaire avec Derrick Rose, ça on l'a déjà dit. Je remonte. Il y a Ben Simmons apparemment qui est en train de discuter le bout de gras. Oui, oui, il avait une possible prolongation. Je réfléchirais quand même à deux fois si j'étais les Sixers. Ouais, complètement. Mais, c'est basé sur des playoffs. Hein. Ça fait 2 ans de playoffs. Ben Simmons, un petit peu tendu. Donc je réfléchirais à mettre une grosse blindasse dessus. attendez, on regarde un petit peu vite fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui traînent? Je ne crois pas, il me semble pas. Le reste, c'est des choses que je vous ai déjà dit. Ouais, Rich Paul qui négocie. Ça, on sait c'est pour qui. Voilà. Ok, on va continuer. Donc du coup, ben voilà, un petit peu... Bah, voilà quoi. Je comprends les arguments, hein. Il y a des arguments qui vont me défendre l'idée que Kevin Durant honnête c'est un bon plan. Moi je trouve pas ça ouf. J'avoue, je trouve pas ça ouf. En termes de prestige, alors je sais très bien ce que vous allez me dire, hein. tout le monde a droit à sa chance, et je suis le premier à vomir sur l'idée que parce que t'es un gros nom de ville, t'es censé avoir les meilleurs joueurs, hein, comme faire à tour LeBron James aux Lakers par rapport à rester à Cleveland. Mais je sais pas, je sais pas. Ça ah, je t'entends plus. Tu m'entends plus? Il ne m'entend plus. Ah, c'est bon, je t'entends. Ça y est, tu m'entends? C'est bon. Ok, bon, ça va. C'est parce que, à mon avis, je t'en regardais sur Twitter en même temps. Ça a peut-être déconné un peu. Donc, je disais que oui, je pouvais entendre très bien les arguments qui viendraient en faveur de Kevin Durant, mais je sais pas. Je trouvais ça un peu bizarre de pas vouloir faire son truc à lui, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression vraiment qu'il va avec son pote et c'est, encore une fois, pas un truc de Kevin après, Durant, quoi, tu vois. Tu vois, j'étais globalement de cet avis-là, mais sauf qu'en fait, pour moi, ce qui je pense, en fait, a beaucoup changé la vie des gens mentalement, c'est sur ces derniers playoffs. Là, le comeback qu'il a tenté là contre les Raptors, où bah, il se blesse en essayant de revenir. Je pense que Minora, ça lui a fait le rachat au lieu du public qu'il voulait. Bon, ça rattrapera jamais la communication désastreuse qu'il a eu avant. Mais moi, je peux comprendre du coup qu'il s'est dit, écoute, j'ai donné ce que j'avais à donner, je me suis blessé en jouant au jeu. Ouais. Tu vois, ça, il y a moins besoin de se racheter et de ressusciter maintenant, je pense. Ouais. Ouais, mais enfin, encore une fois, moi je te dis, c'est au final, Kevin Durant, on va s'en souvenir dans quoi? Dans les Warriors, tu vois. Là ici, si les Nets, on va s'en souvenir dans Brooklyn, dans les Nets. C'est pas Kevin Durant va avec sa tub et son couteau quelque part et fait venir des gens pour construire sa propre équipe, tu vois. C'est... Je sais pas, c'est ça qui me titille un petit peu, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Complètement. Après, tu me diras, là récemment, on a eu Kawhi qui a mené les Raptors jusqu'au titre, alors que c'est une équipe qui a été construite pour lui, pas par lui, tu vois. Donc au final, est-ce qu'on n'arrive pas dans un nouveau mode de fonctionnement NBA? À voir. Ouais. En tout cas, Danny Ainge, qui était parti pour être le grand perdant de la soirée, récupère un peu le coup en faisant signer Kemba Walker, même s'il a perdu Kyrie Irving et qu'il va probablement perdre à l'Horford dans la foulée. Voilà, ce que j'allais dire, j'ai des gros doutes sur Boston quand même, là, globalement. Après, récupérer Kemba Walker, est-ce que c'est pas plutôt bon pour entourer les jeunes qui avaient été peut-être un peu étouffés par la présence de Kyrie Irving? On se souvient, hein, l'année pendant laquelle il est blessé, c'est eux qui font le taf, hein, ils font de très bons playoffs, ils mènent les Cavs dans 7 matchs, et puis Kyrie revient, et d'un coup, boum, tout se casse la gueule. Est-ce que du coup, d'avoir un meneur peut-être un peu moins star, tu vois, moi, Kemba Walker, je mets toujours dans la catégorie un poil en dessous des gros meneurs stars de la Ligue. Est-ce que le fait d'avoir un meneur comme ça, ça va pas leur permettre justement de rebriller avec un vrai scoreur qui est aussi là avec eux, quoi? Alors, pour le coup, tu vois, moi, je comparais plus Kemba Walker quand même à Isaiah Thomas quand il y était, bon, forcément, en un peu moins fort offensivement. Ouais. Mais les deux, ils ont cette capacité-là, en fait, à pouvoir s'ajuster au nom du collectif. Walker, tu peux lui demander d'écraser un peu, tu vois, de laisser la balle à Tatum, etc. Il râlera pas. Ouais. Là où la passe fait Kerry, ça n'a pas du tout marché. Ouais, c'est ça. Ce qui a fait qu'il a pris des montagnes de briques contre Milwaukee en playoff. Donc, moi, non. Tu perds ton meilleur joueur, mais tu gagnes un mec qui, par contre, est très coachable et très apprécié apparemment pour son type de travail. Surtout donc, que franchement, il sort de Charlotte où il était vraiment tout seul, quoi. Le mec d'avoir 2-3 joueurs avec lui, ça va lui changer la vie. Hein. Ah bah déjà, il va avoir des mecs qui rentrent leur tir et qui défendent un peu, ça va faire bizarre. Ouais. Après, du coup, le problème, c'est que avec Kyrie, comment dire, t'étais dans l'immédiat, bah, t'es allé jouer un titre, arriver en finale, etc. Ouais. Là où avec Kemba, tu te donnes 2 ans vraiment pour jauger, bah, pour voir déjà si Tatum arrive enfin à révéler son potentiel, pour prolonger Brown, etc. Ouais. C'est pas un retour à zéro, mais pas loin, tu vois. C'est pas un mauvais choix non plus, hein. Clairement, au Kemba, je pense que ça a bien fité avec Boston, pour le peu que Gordon Hayward récupère un petit peu de son basket. On sait que les retours de très grosses blessures, c'est jamais simple non plus. Complètement. Donc pour le peu qu'il réconcilie Paul George, hein, pour ceux qui se rappellent pas, pour le peu qu'il récupère un peu de basket et qu'ils arrivent à signer du coup un mec qui peut remplacer à Horford, alors ça va être compliqué, hein, parce que c'est un profil très particulier, mais quelqu'un qui pourrait au moins, tu vois, aller sous l'anneau pour prendre du rebond, pour être malin défensivement, pour pouvoir avoir un peu de shoot à l'extérieur, on va dire un petit 4 stretch ou quelque chose du style, ça peut être vraiment sympa. Pourquoi pas aller toquer à la porte des Cavs, hein, pour voir si Kevin Love est dispo, par exemple. Voilà, ce que j'allais dire. Même Larry Dance, tu vois, même un mec comme ça, je pense que tu arrives à bien le développer, il peut être très intéressant, quoi. C'est moins fort en défense, on est bien d'accord, hein, Kevin Love, mais en shoot, par contre, c'est quand même beaucoup plus fiable. Et ça prend pas mal. Ça prend pas mal. Offensivement, c'est costaud. Hein. Ça prend pas mal de rebonds, effectivement. Ouais. Hein. En tout cas, peut-être que les mouvements de ce soir vont poser des moves aussi pour la suite. Bon, par contre, quand on parle de Kemba Walker, on va profiter pour jeter une grosse brique dans la tête du management des Hornets. Putain. Quelle honte. Comment est-ce que tu peux merder à ce point-là? Moi, il y a deux trucs que je comprends pas. Le premier truc, c'est pourquoi est-ce que tu donnes pas le maxi-max à ton joueur? Et si c'est pas le maxi-max, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec une proposition concrète pour expliquer pourquoi tu ne donnes pas le maxi-max? Ça, c'est la première chose. Pourquoi être si loin du max? La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que tu as drafté? Pourquoi tu as drafté? Pourquoi t'as pas échangé ton pic pour bainer un Biombo ou un truc du style? Pourquoi est-ce que t'en as pas profité pour bainer entre 15 et 25 millions, j'en sais rien, un truc du style? Sur les contrats, je les ai peu tous en tête, mais pourquoi t'en as pas profité pour bainer ça? Moi, je suis sûr qu'il y avait des équipes avec du cap, c'est le plus révélateur, même s'ils ont pas beaucoup de cap, mais qui auraient bien voulu prendre un pic, un deuxième pic qui était assez haut, je crois qu'ils étaient 12e en plus dans la c'est ça. Ou même de climb up dans la draft pour aller changer après un pic plus haut, quoi. Pourquoi est-ce que t'as drafté? C'est que t'as vraiment une volonté de pas signer Kemba Walker, quoi. C'est que t'y crois plus, mec. D'accord. Surtout après en fait moi je trouve le tour de bâton qu'ils ont eu, c'est que quand on a fait le dernier podcast, on parlait en fait du fait que pour la course des playoffs, que c'était dangereux pour eux en fait d'essayer d'accrocher 8e place pour retrouver la place du con. Ouais. Bah, manque de vol, Charlotte se retrouve en 10e. Mmh. Donc 10e, autant te dire que t'as un pic qui est loin d'être fou, et à côté de ça, bah là c'est pas compliqué, j'ai la payroll de Charlotte. Ouais. Batum 24 millions, Biombo 17, Marvin Williams 14, Zeller 13, Kilgiltris 13, Walker, bon du coup on va l'enlever mais il était à 12 millions. Mmh. Et après ça, t'as que des petits contrats. Mais globalement, voilà, t'as ton 5 majeur sans ta star qui te bouffe la moitié de ton cap. Pour des mecs qui ne valent même pas la moitié de leur prix, je pense. Putain. Et à côté de ça, bah, le problème, c'est qu'en fait, Kemba, il a toujours eu cette réputation de gentil mec qui sacrifie, bah, comme je l'ai dit un peu avant, qui râle pas, etc. Sauf qu'il y a un moment, quand t'es pas capable d'entourer ton meneur all-star payé à 12 millions par an, je peux comprendre que le mec ait envie de lâcher. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Et après, en fait, le problème de Charlotte, c'est que c'est une succession de mauvais choix, mais en fait, depuis. En 2016, quand ils retournent en playoff, qu'ils se font battre par le 8 en 7 matchs, bah à ce moment-là, du coup, quasiment toute leur équipe était free agent l'été qui suivait. Mmh. Bah, ils n'ont pas fait les bons choix. Tu pars contre Nelly, tu perds Jeremy Lin, tu surpayes Batum, qui, bah, là, à l'instant T, je souhaite qu'il va bosser pour, mais qui n'a pas rentabilisé un seul dollar de son contrat. Ouais. Puis après, comme tu disais, tu chopes Biombo, mais pour faire quoi? Ouais. Rien. Et au final, bah là actuellement, ton meilleur joueur c'est Miles Bridges, ton rookie. Ouais, le move de Biombo était bizarre à la base, mais c'est que derrière, c'est que t'en as rien foutu, effectivement. Vite fait, Terrence Ross, 4 ans, 54 millions au Magic, donc il retourne là-bas. Jeremy Lamb, plus que probablement en route vers les Pacers. Avec Ricky Rubio, donc. Ouais. On regarde. Garrett Temple, donc ça tu l'avais dit tout à l'heure, on est bon. Pour Zizou, c'est déjà fait. Evan Fournier qui est très content que son poste. Ariza, je sais pas si tu l'as annoncé. Non, j'ai pas encore vu. Ariza, apparemment, ça serait 25 millions 2 ans aux Kings. Putain, bien les Kings. Ça va être bien. Franchement, c'est propre, ils font une belle Freddy ici pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ils font un truc assez cohérent. Ça leur ressemble tellement peu. Et l'annonce officielle de Kevin Durant est tombée sur Instagram. Pour ceux qui veulent la lire, donc. Ok. Ok. Voilà, on va continuer. Ouais, mais. Moi, je peux comprendre que le mec se casse, hein, clairement, parce que, effectivement, je pense que le management de Charlotte a merdé tout au long des années. C'est pas tellement cette année-ci qui cloue le cercueil. Je crois que le cercueil, il est cloué depuis longtemps, mais n'empêche, quand même. Ils ont quand même merdé le jour de la draft. Vraiment, le jour de la draft, c'était incompréhensible de pic. Je comprendrais toujours. Ok, je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans la liste, qu'on pourrait se mettre sous la canette. Parce que bon, Vucevic, ça s'est paraissé logique, Kyrie Irving, bah, c'était annoncé, Walker, c'est fait. On va parler un petit peu d'Angelo Russell, parce que du coup, c'est lui qui est la première victime, entre guillemets, victime collatérale bah, de l'arrivée des deux. Il va certainement bouger. Alors, ça parle beaucoup d'un sign and trade aux Warriors, dans un échange avec Kevin Durant. Figurez-vous. Donc, je vois pas trop comment ça peut fonctionner avec, avec ce qu'il y a déjà là. Ouais, compliqué à matcher là pour le coup. compliqué, à moins que ce soit pour repartir dans un deal à trois équipes où il a atterri ailleurs et que du coup il y a encore des mouvements. Mais est-ce que sinon, où est-ce que tu verrais bien D'Angelo Russell arriver? On a parlé plus tôt dans la journée de bruit de couloir avec les Wolves, mais je vois pas comment ils peuvent dégager autant de cap en aussi peu de temps. Lakers, évidemment, pour le grand retour à la maison. Qu'est-ce que toi, où est-ce que tu le verrais bien? Où est-ce que tu penses qu'il devrait aller pour continuer à développer sa carrière après la toute bonne saison qu'il vient de faire? Alors, bah déjà, on va enlever le plus évident des opportunités. Je pense que les Lakers, il n'ira pas. Ils l'ont quand même assez bien pris pour un con. Parce que il faut le rappeler pour ceux qui l'ont oublié. Il s'est fait jeter des Lakers à l'époque parce qu'il... c'est une vieille histoire, il avait fait un périscope avec Nick Young, où Nick Young annonçait qu'il trompait Ariana Grande en live, donc bon, c'est stupide, c'est de la gaminerie. Ouais. Mais à l'époque, Magic a préféré garder Nick Young et sacrifier son jeune. Donc bon, quel pif. À côté de ça, aux Warriors, bon, c'est grave cool, hein, parce que forcément, tu vois l'idée, le mec qui balance des crosses, qui tire à 3 points, qui shoot très bien, ok. Mais je le vois pas, en fait, tu dis... Là, ils ont signé Clay Thompson. Ils vont sûrement se jeter aussi sur Draymond Green. Tu peux pas le faire rentrer comme ça. Et mettre Clay Thompson en croix, je suis moyen chaud. Après, chez les Wolves, par contre, ce qui se murmure, c'est que bah, Wiggins, ils font tout pour le dégager. Ouais, parce que Wiggins, faut bouger, hein. C'est pas comme ça. Hein. Complètement. Après, à côté de ça, je pense que Minnesota sera capable quand même de sacrifier un ou deux picks et un jeune, typiquement Okogie ou Tyus Jones, tu vois, pour se débarrasser de Wiggins. Donc pour moi, c'est la piste la plus probable. J'avais une partie de moi qui le voyait en fait aller rebondir à Indiana, mais bon, vu qu'Indiana là va prendre Rubio, apparemment, que ça fait un peu mieux que pas sûr, mais a priori, on est bien parti pour ça, pour essayer de prolonger Bogdanovic, mettre Rubio et ramener Jeremy Lamb. Donc, continuer sur une équipe sans nom, quoi. Enfin, pas avec des gros noms. Avec des bons roleplayers. Ouais. Et un Oladipo qui doit revenir en France. C'est ça. Mais c'est pas pour tout de suite, ça, on sait. Ouais, ça complètement. Donc toi, tu serais plutôt... Où est-ce que tu l'envoies alors du coup? Moi, là, à l'instant T, Minnesota, parce que je vois pas d'autres équipes qui ont besoin des meneurs. Phoenix. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça tient. Ah ouais, complètement. Phoenix, moi ça me paraît le mieux pour lui. Ils ont la thune pour le signer en plus. Ah ouais, clairement, du long. Ouais. Ah, ça peut commencer à devenir intéressant, hein, avec. Complètement. Avec Ayton, avec Booker, faut voir ce qu'ils vont dégager avec les TJ Warren. Je sais qu'ils voulaient liquider du monde, mais est-ce que tu liquides du coup TJ Warren juste derrière? Pas sûr. Warren, du coup, il a été tradé aux Pacers, là, il n'y a pas longtemps. Il a quoi? Il a été tradé aux Pacers, Warren, le soir de la draft. Ah merde, j'avais pas vu, excuse-moi. J'avais pas vu. C'est pas grave. Ouais, il y a des moves que j'ai pas suivis. Beaucoup de boulot ces temps-ci, donc j'ai pas tout. T'inquiète, y'a pas de soucis. Je m'étais fait une fiche pour préparer ça. Bah, du coup, ouais, en fait, pour conclure le truc, Minnesota, ils devront bricoler là où Phoenix, ils peuvent arriver, poser 140 millions sur la table. Donc, c'est un peu ça le truc, quoi. Je pense que tu lui mets la thune, il refusera pas. Bon, honnêtement, enfin, tu vois, j'ai envie d'avoir du temps de jeu, d'être sûr d'avoir mon petit rôle tranquille, d'être assez bien épaulé. Bon, le bon plan, c'est Phoenix, non? Carrément. Puis en plus, mine de rien, Phoenix, bon, ils sont pas très bien gérés, mais globalement, t'as quand même deux gros jeux à la potentielle. Ça peut être sympa. Puis si en plus tu prends 140 millions, bah fonce, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, non, je pense que ça pourrait faire un bon fit avec ce qu'il y a déjà, avec ce qu'il y a déjà sur place, donc ça me semble intelligent. Enfin, le truc, c'est que Minnesota, je pense qu'ils vont devoir. C'est pareil que pas mal de franchises. Ils voudraient bien. Mais ils peuvent pas encore. Ils peuvent pas, c'est ça, exactement. Ils peuvent pas encore. Il faut encore attendre un ou deux ans de liquider vraiment des Luol Deng, Wiggins, qu'il a encore un peu moins d'années de contrat. Tig aussi, qu'ils ont surpayé à l'époque. Il faut au moins un des deux qui se vire, voir les deux pour pouvoir se dire, bon, ok, maintenant on peut se remettre vraiment en chasse. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire là, c'est de nouveau sacrifier plein de joueurs qui vont leur coûter pas grand-chose, au lieu de les développer et d'essayer d'acheter des mecs hors de prix et du coup se retrouver coincés si jamais la formule marche pas. Comme ils ont eu avec Butler. Hein. Ouais, complètement. Donc du coup, moi, je serais, c'est peut-être chiant d'avoir des saisons de transition, c'est peut-être pas excitant. Enfin, les gars ont quand même Carl Anthony Towns, c'est quand même pas rien non plus. T'as quand même quelques petits jeunes sympathiques à développer. Et puis, bah, t'as toujours Wiggins, l'éternelle question, qu'est-ce que ce mec a dans le slibar? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va un jour jouer? Est-ce que à son réel potentiel, ou est-ce qu'il va continuer à se contenter de ce qu'il fait là? Bon, c'est un peu le truc, quoi. On va passer sur justement une bonne transition avec Jimmy Butler qui sera en partance pour le Heat. Possible? Ouais, ouais. Alors le feat est assez ouf. Enfin, moi je me rappelle, Butler il a toujours voulu, depuis que ça allait pas Minnesota, partir au Heat. Mm-hmm. Parce que c'est une franchise qui colle bien avec son état d'esprit. C'est une franchise de gros bosseurs, très disciplinés. Avec un GM qui, mine de rien, quand même a un gros bagage derrière lui, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que GM. Mm-hmm. Et après, je m'attendais quand même à ce qu'ils prennent sa thune à Philadelphie. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient clairement dit qu'ils le prolongeraient lui et après Harris. Mais franchement, le fit est top. Si vraiment ça arrive à se concrétiser, parce que là on est plus sur un sign and trade à l'heure actuelle qu'une bête signature, c'est top. Mmh. Ouais. Mais est-ce que avec un gars comme Whiteside par exemple, parce qu'on sait qu'il a eu des problèmes, tu vois, avec Carl Anthony Towns, là du coup s'il aime pas les paresseux, il va avoir un petit choc thermique quand même, le garçon. Ah, c'est clair. Après le truc c'est que du coup là à l'instant T Miami peut pas le signer parce que y a pas de cap. Ils ont moins de 10 millions de cap, donc du coup, d'où l'option du sideline trade. Mmh. Et donc, en fait, simplement, moi, alors, si vraiment ils arrivent à choper Butler, je m'attends à ce que Whiteside fasse ses valises. Mmh. Parce que, mine de rien, autant des équipes qui ont besoin de meneurs, il n'y en a pas des masses, mais les équipes qui ont besoin de pivots, il y en a pas mal. Mmh. Je ne serais vraiment pas surpris que Miami brade un ou deux tours de draft pour se débarrasser de Whiteside et drague éventuellement. Pour repartir à zéro. Moi, je serais eux, j'appelle les Cavs direct, hein, parce qu'ils ont J.R. Smith à dégager avec un contrat qui est non garanti. Je crois qu'il y a moyen de récupérer, je crois que c'est 10 millions à récupérer tout de suite. Donc clairement, Cleveland n'auront pas des exigences de fou. Tu t'envoies un joueur sur une patte et deux tours de draft, et l'affaire me semble entendue. Vite fait, Farouk Aminou, 3 ans, 29 millions au Magic. Mais je sais pas, ça me semble un peu bizarre d'annoncer comme ça des je vais dans une équipe alors que t'as pas de cap, t'as rien du tout, quoi. Voilà. Aminou, après, comment dire ça, Aminou. Ah, moi, je parlais de Butler. J'ai juste fait la news pour Al-Falouk. Ouais. Mais non, ça me paraît un peu chelou comme ça de dire je veux 8 alors que les mecs ont pas de blé et que il va falloir trouver une équipe pour pouvoir. Parce que c'est pas le tout de vouloir sacrifier des joueurs, mais il va falloir trouver où les envoyer. Ouais. Après, surtout, en fait, il y a la question du pourquoi t'as envie de partir à Philadelphie alors que à un shoot près de Kawhi, tu es quand même en finale de conf. Mm-hmm. En fait, je pense qu'on va le découvrir cet été, mais il y a un fond de l'histoire qu'on n'a pas, quoi. Mais il a pas choisi d'aller aux Sixers. Ouais, c'est vrai. Il a pas choisi. Donc après, il pouvait peut-être se dire je termine mes piges à Minnesota tant bien que mal, et puis. Et puis voilà, j'irai à 8. Complètement. Parce que Minnesota, c'était un trade aussi, non, où il avait décidé. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Oui, donc du coup, ça fait deux fois que le mec peut pas choisir son club. Là, peut-être qu'il se dit, maintenant, rien à foutre, je choisis ma franchise, quoi. Ça peut être simplement ça, hein, tout bêtement. Hein. Ouais, après. Non, quoi, là où dit en particulier, ça. Gabriel Union. Ah, parce qu'il a été très pote avec Flash quand ils ont joué ensemble une saison à Chicago. Ouais. Et après, comme je t'ai dit, mine de rien, l'avantage de Miami, c'est que là-bas, il n'y a pas de taxes pour les sportifs. Donc, tu peux être payé moins, mais en proportion, quand tu payes pas d'impôts, forcément, tu braques beaucoup plus. C'est ce qui a permis à l'époque de faire le Big Free avec Bosch et LeBron. Ouais. Et puis, je pense que pour rendre ce que tu disais, ce sera sa franchise. Là, vraiment, il aura fait le choix d'y aller. Il aura pas forcément le choix de ses coéquipiers, mais globalement, tu peux, comme tu disais, ce que Durant aurait pu avoir au Knicks, Butler l'aura au 8, s'il signe là-bas. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, bah oui, c'est déjà un peu plus logique. Alors le Heat, ça défend déjà pas mal, mais alors là. Ah bah ça va être Butler, costaud. Hein. Ça va être très très, très, très chiant d'aller marquer plus de 100 points. C'est clair. Ouais, c'est très casse-couille. Ok, on va parler un petit peu du coup de la Loana de la NBA, selon moi, vous me passerez l'expression. Des Marcus Cousins, on a l'impression que plus personne n'en veut. Tout le monde s'en fout. Non? Alors, bah déjà, le fait qu'ils soient reblessés en playoff, ça n'a pas aidé. Mais après, surtout, à côté de ça, ces playoffs sont pas ouf. Ouais, que après... ce soit contre Portland, contre les Clippers, c'est pas ça. En finale... Après, le mec est blessé, c'est quand même fait une sale blessure. Et puis, bah, le staff médical des Warriors, il est un petit peu dans l'œil de la tourmente, avec Durant juste derrière. Il y a quand même eu pas mal de blessures. C'est un peu moyen, donc tu peux encore jouer là-dessus, quoi. Mais là, le mec est dans aucune rumeur de rien du tout, tu vois. C'est quand même des Marcus Cousins, tu vois. Tu peux te dire, voilà, le mec, on le remet sur patte, et ça va finir par aller, quoi. La seule que j'ai vu passer pour te dire, c'est le fait qu'en fait, là, actuellement, les Knicks n'ont pas assez de masse salariale, du coup, pour pouvoir jouer. Ouais. Et ça sera en fait l'idée de faire un gros contrat, genre de 30 millions sur un an pour Cousins, pour justement ne pas se manger d'amende. Mais c'est te dire comment c'est inquiétant, quoi. En fait, ouais. Du coup, tu te demandes c'est quoi la valeur du joueur, quoi. Ouais, j'avoue, ouais. Parce que... Bon, sa blessure a rien arrangé, mais globalement, il a perdu beaucoup de mobilité alors que c'est sa force. Et après, ouais je vois pas beaucoup de franchises qui peuvent se dire on lui met 20 millions par an et en avant, quoi. Non, mais il y a pas mal de joueurs qui sont revenus aussi de grosses blessures, quoi. Tu vois, par exemple, complètement. On parlait de Paul George, tu vois, qui s'était bien pété, qui a mis du temps à revenir. On voit l'exemple avec Gordon Hayward qui a mis du temps aussi, qui met toujours du temps. Kevin Durant, bah voilà, ok, Brooklyn, ça les dérange pas d'avoir une année en off à payer à 40 millions. Donc voilà, enfin, je comprends pas comment il y a vraiment zéro, enfin, presque zéro envie pour DeMarcus Cousins, quoi. Le mec, là, il a deux doigts de re-signer la mid-level à Golden State. Après, ça, tu me diras, le problème qu'il y a, c'est que là, tu parlais de Paul George, etc., même de Hayward. Ces mecs-là, ils ont su prendre une année off pour se reposer et du coup, va pouvoir potentiellement, après même difficilement, revenir. Cousins, il a écourté ses soins pour pouvoir tenter de jouer un titre avec les Warriors. Donc déjà, à l'époque, il s'était fait flinguer. Mais à côté de ça, tu te rends compte que quand il est revenu, t'es beaucoup moins bon quand même physiquement que ce que tu pouvais l'être avant. Tu pèses contre ton équipe en playoff parce qu'il a pris la sauce contre Marc Gasol et même contre Montrezl, etc. Donc je peux comprendre, là, franchement, tu dis t'es une franchise, ce mec-là n'a pas l'air stable. Ok. Que ce soit émotionnellement ou même sportivement, quoi. Ah, il y a de la news. Ricky Rubio, 3 ans, 51 millions. Devine-nous. Sans regarder, hein, sans tricher. Gala, je dirais. Félix. Donc ils ont trouvé. Attends. Par contre, là, je viens d'en voir un truc beaucoup plus. Oh là là. Attends, j'arrive. Jérémy Lamb, 31 millions pour 3 ans à Indiana. Donc il voulait vraiment s'en débarrasser. Et Bojan Bogdanovic, 4 ans, 73 millions à Utah. Donc bah, ils ont pas eu Mirotic, mais c'est pas grave. Voilà. Ils vont quand même se refaire. Je regarde s'il y a d'autres choses, mais je ne crois pas. Moi, je viens de voir Brogdon à Indiana. Ah ouais, Malcolm Brandon à Indiana, ça c'est très bon pour Indiana. Je me demandais où il allait atterrir. En fait, c'est probablement un des tout meilleurs moves qu'Indiana pouvait faire. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal avec Bogdanovic, mais c'est pas grave. Le remplacer avec du Jeremy Lamb et du Malcolm Brogdon. Surtout que Jeremy Lamb a 31,5 sur 3 ans, c'est pas dégueu. C'est 10 millions la saison, c'est bien. Alors c'est par contre, bien. C'est un trade du coup apparemment pour Brogdon. C'est pas une signature libre. Ah d'accord. Apparemment, Indiana envoie un premier tour de draft et deux second tours pour Brogdon. Ouais, ça les vaut, surtout que bon... a priori, ils sont pas censés avoir des tours de draft bien bien haut. Donc c'est... 4 ans, 85 millions pour Malcolm Brogdon, ouais, quand même. Ouais, c'est costaud, mais après, bon, moi j'aime beaucoup le joueur, donc je suis pas objectif, mais le fit est très cool. T'as un gros ballender, ça défend très fort, ouais, ça shoot bien. Moi j'aime bien Malcolm Brogdon, j'ai toujours bien aimé. Je crois que j'étais un des rares à l'avoir mis rookie de l'année, l'année où il était élu. Et surtout, en plus, mine de rien, bah, tu le mets avec Oladipo, t'as quand même un poste 1-2 en plus. C'est bien joué, y a pas à chier, c'est bien joué. Ok, on va bouger dans la liste. On va aller sur Tobias Harris, un peu plus cool. On va voir un petit peu ce que t'en dis, parce que tu verrais bien notre ami Tobias. Bah alors lui, déjà, je pense que mentalement, il doit pas être très bien, parce que c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Ouais, c'est vrai, souvent. parce que globalement, Philadelphie a fait toute sa com sur le fait de garder Butler et après de le re-signer lui. Ouais. Après, à côté de ça, c'est un joueur qui a une bonne cote parce que mine de rien, c'est un 4 avec un profil assez intéressant. Bon playmaker, défend bien, enfin, il fait tout sur un terrain globalement. Ça ne te rappelle personne? Ça ne te rappelle pas une équipe en vert qui a avoir besoin d'un poste 4? Voilà, t'amènes sur mon second point en fait. Et il y a deux solutions. Soit il prend la thune à Philadelphie, mais après, globalement, je pense pas que c'est le meilleur choix. Ouais. Après, dans la catégorie smart move, j'avais noté Dallas, mais vu que la Dallas, du coup, apparemment. Ils sont plus potentiellement sur Horford ou sur un poste 4 un peu costaud. Mm-hmm. Pour moi, c'est Boston. C'est un joueur que Brad Stevens adorera avoir. C'est typiquement ce qu'il recherche. Mm-hmm. Et comment dire ça, il a quand même dans sa carrière fait pas mal de sacrifices financiers. Je pense pas que ça va le déranger d'être un peu moins payé, genre tu vois, en 20-25 millions l'année, mais de pouvoir faire un truc sympa. Quoi. Parce qu'en plus, il sera plus responsabilisé à Boston qu'il a été à Philadelphie où c'était le cinquième scoreur de son équipe. Quoi. Moi, je le verrais bien signer un petit 80 sur 3 ans. Ouais. Plus ça se vend, plus tu vois, c'est un contrat un peu plus court durée, tu vois, mais quand même payé correct, quoi. Je pense pas qu'il va faire une croix sur la thune cette fois-ci, je pense pas. Il l'a trop fait, t'as raison, il l'a trop fait. Il mérite de pas le faire. Ouais, complètement. Ouais, clairement. On est d'accord. Tobias, Boston, notez bien. Alors, on va voir ce qu'on a encore à Horford, justement. Du coup, on n'a pas encore parlé de Horford, parce qu'on le verrait bien. On n'a pas encore fait, celui-là. Alors déjà, moi, je me demande ce qui s'est passé à Boston pour qu'un mec comme Horford décide de pas rester. Ouais. Parce que globalement, c'est un mec qui est reconnu quand même pour son sens du collectif, etc. Surtout pour que le mec refuse, ne serait-ce que de discuter avec eux, c'est vraiment que la capture, elle doit être consommée. Mm-hmm. Et après, alors les Kings étaient très chauds sur lui, mais vu que du coup ils ont réussi à avoir Deadman, ils vont pas prendre les deux, je pense, simplement, tu vas pas prendre deux pivots. Moi je le vois à Dallas. Dallas sous les Pélicans. Dallas. Parce que dans tous les cas, il a un profil qui est rare, puis en plus il est reconnu comme étant un très bon mentor, quoi. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, tu vas être forcé de le surpayer, du coup, pour pouvoir l'avoir 2 ou 3 ans, voire 4. Et c'est un peu le projet de Dallas, quoi. Si tu le signes sur 4 ans, ça te laisse le temps de continuer à former Doncic et Porzingis. Mm-hmm. Et puis simplement, lui, il fera son taf, il prendra ses 10 rebonds, il fera ses 3-4 passes, il mettra des contres. Tu pourras l'adapter comme tu peux jouer grand avec, tu peux le faire sortir du banc éventuellement sur certaines phases. Mm-hmm. Moi, j'en verrai bien à Dallas. Ouais, effectivement, ça me paraît être un bon fit aussi. J'aurais bien voulu, par exemple, qu'une franchise, si le Portland se bouge un peu pour essayer de faire de la place pour voir s'il n'aurait pas pu aller chez eux. Parce que je pense que ça aurait bien pu donner. Mais effectivement, s'ils étaient plus occupés à prolonger, à négocier avec Damien Lillard, ce que je peux complètement comprendre, hein, ça aurait pu être très intéressant, hein, faire un peu de place dans le cap pour essayer de le faire. Je pensais que c'est ce qu'ils allaient faire avec... c'est Evan Turner, hein, qui est parti de chez... Non, ouais, ouais, complètement. Ouais. Je pensais que c'est vers là qu'il se dirigeait. Bon, a priori, pas tellement. Mais oui, je pense que de là, c'est le bon plan. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va signer Onyx, hein, je sais pas. Peut-être. Il est trop intelligent pour s'embarquer là-dedans. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va signer Onyx, ouais, effectivement. Après, surtout, comment dire ça, ça parle pas mal de lui à Philadelphie, mais je vois mal le fit. Parce que globalement, tu le fais jouer en 4, ou alors tu déplaces Embiid en 4, j'y crois pas trop. Et puis surtout, Horford, c'est un mec qui peut pas forcément courir comme quand il vient à Atlanta, donc il lui faut une équipe un peu au tempo lent. Et c'est pas Philadelphie que tu joueras à demi-terrain, quoi. Non, effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est pas tellement le style de Philly. Après, c'est vrai que Dallas avec Porzingis et une raquette Porzingis-Horford, ça peut vraiment être très sale. Surtout quand on voit ce qu'il y a sur les côtés. Ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa, Dallas. Kawhi, il est temps d'en parler. Pouah, pouah, pouah. Kawhi, qu'est-ce qu'il va faire, Kawhi? Bon, alors déjà, quand tu vois les playoffs qu'il fait, franchement, il peut partir de Toronto, personne ne l'en voudra. Parce que du coup, tu vois, il y a pas mal de gens qui l'imaginaient bien, enfin, la rumeur a gonflé un petit peu par rapport au fait qu'il ait suivi Durant. Bon, là, on sait que c'est mort. Est-ce qu'il prolongerait pas tout simplement à Toronto, genre un petit 1 plus 1, vite fait? Bah alors en fait, pour moi, il n'y a que deux opportunités vraiment crédibles. Ouais. C'est soit il reste à Toronto, ils lui mettent le Supermax en avant pendant 3-4 ans, tu as une équipe contender. Ouais. Soit tu pars aux Clippers, ou bah pareil, ils te mettent la blinde, mais du coup, tu as ta franchise. Et tu as une franchise qui en ce moment a une hype monstrueuse. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, enfin là, les fausses rumeurs qui circulent sur le fait qu'il aille aux Lakers, j'y crois pas une seconde. Il n'est pas parti des Spurs justement pour être un second couteau. Ouais. Moi, je dirais Toronto. Tous les moves qu'ils font là sont allés dans son sens. Il est apparemment il est bien dans la ville. Un 2 plus 1, 1 plus 1, 3 plus 1. Moi, je dirais ouais, un 2 plus 1, un peu comme ce que font les Brown et KD, tu vois. Comme ça nous donne la flexibilité. Enfin, faisait le Brown, faisait KD. Ouais, complètement. Ouais, d'ailleurs, attends, juste coupe, il y a Bogdanovic là qui a été annoncé au Jazz. Oh, ouais, je l'ai dit juste avant. Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Pas de soucis. Je revérifie s'il y a d'autres trucs en attendant. Mais je ne crois pas. Thomas Bryant qui reste au Wizards, 25 millions sur 3 ans. C'est cohérent, c'est pas choquant. C'est bien. Ouais, 73 millions, donc 73 millions sur 4 ans, Bogdanovic, c'est ça. C'est peut-être un peu cher. C'est peut-être un peu cher, je ne sais pas, faut voir. Bah la question, en fait, c'est tu l'alignes sur quel poste? Parce que du coup, c'est un joueur qui est bon, mais tu peux le mettre que poste 3 et 4, ça va faire un peu léger. Donc j'attends de voir la coupe. Ouais, à voir sur le dispositif tactique après. Je pense que la question des postes 1, 2, 3, 4, 5 en NBA, tu vois, c'est... Ouais, complètement. Je sais pas si c'est encore vraiment bien respecté tout ça. Je pense qu'ils sont plus préoccupés par avoir une bonne personne à l'aile, une bonne personne à la main, une bonne personne au pivot, et après le reste, voilà quoi, vous faites un peu comme vous voulez. Là ici on va voir les Cavs par exemple qui vont jouer avec deux meneurs, tu vois, pour avoir beaucoup de créa sur le à gauche et à droite du terrain, tu vois, un exemple comme ça. Donc je suis pas persuadé que ce soit. Je pense pas qu'on regarde ça maintenant. On regarde plus les fits entre les joueurs peut-être éventuellement. Ouais, complètement. Entre eux que vraiment sur une tactique globale 1, 2, 3, 4, 5. Bah surtout que là Bogdanovic quand même il apporte du shoot et de la défense, donc pile poil ce dont Utah raffole quoi. Mm-hmm. Et Utah ils font un très bel été pour l'instant. Franchement, j'attends juste de voir ce qu'ils vont faire de Derek Favors. Ils manquaient beaucoup de poids offensif et ils ont rajouté du poids qui était effectivement offensif et qui se démerde en défense. Donc c'est plutôt, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Ok, on va faire un petit peu le récap. Donc Durant, c'est Nets. Leonard, on ne sait pas encore, mais nous on a Paris et Toronto. Irving, c'est Nets. Walker, c'est aux Celtics. Klay Thompson, c'est aux Warriors. Cousins, a priori, ce sera pour Love Story. Butler, ce sera a priori pour le Heat. Vucevic au Magic. Harris, nous on a misé sur Boston. Middleton, ça devrait rester aux Bucks. Russell, où est-ce que ça serait misé encore pour Russell? Bon, on avait dit Phoenix, mais en fait, non, pas tellement. Bah, du coup, vu que Rubio, apparemment, il signe. Ouais, peut-être bien le. Peut-être bien les Wolves, peut-être que les Wolves vont y arriver, hein, ou alors peut-être que New York va pouvoir signer quelqu'un. Alors, Ford, Dallas, et sinon, bah, y a toujours la possibilité de signer à New York, hein, on ne sait jamais. Et puis voilà, le reste c'est à peu près tout sur les gros clients, on va dire. On fera sûrement donc une fois que les effectifs seront un peu plus posés, hein, peut-être d'ici mi-juillet, on va dire un truc comme ça. On fera peut-être un podcast pour analyser ça, on va dire à tête plus reposée, voir les effectifs qui commencent à prendre forme de manière beaucoup plus définitive, parce que ben, forcément les signatures vont faire des victimes dans les effectifs qu'on va essayer de dégager, qu'on va essayer d'affiner les effectifs en lourdant peut-être certains gars. Donc ça c'est toujours un peu la première quinzaine de juillet. Après ça se stabilise quand même pas mal. Donc on fera ça certainement après, mais au moins comme ça vous avez un premier retour frais. Hein, on peut pas faire plus frais que ça puisque on était il est minuit 40, donc on a fait les 40 premières minutes hein, avec la majorité des annonces avec vous. Certainement encore d'autres qui vont tomber d'ici demain. On attend forcément celle de Kawhi Leonard, Tobias Harris et alors Ford et D'Angelo Russell qui sont encore les 4 gros on va dire, et des Marcus Cousins en garniture, on verra bien ce que ça va donner. Cam, je te remercie. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci d'avoir été disponible si tard ce soir. On vous dit à bientôt pour d'autres émissions, d'autres articles de QI Basket. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à bientôt, ciao. Ciao tout le monde.